L'actualité à Nancy et ailleurs. Les vitrines touloises et le pôle commercial Jeanne d'Arc de Dommartin-lès-Toul s'unissent pour une grande collecte de jouets au profit de la Croix-Rouge de Toul. Pour nous en parler, nous accueillons dans les studios Aurélie Wagner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association du pôle Jeanne d'Arc donc de Dommartin-lès-Toul. Tout à fait. Et Michel Pfaff, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des vitrines touloises. Effectivement. Alors, donc, pour parler de cette grande collecte de jouets neufs et occasions au profit de la Croix-Rouge, c'est une première déjà. Alors effectivement c'est une première pour la simple bonne raison que les deux associations s'unissent totalement dans un but de solidarité au niveau des fêtes de Noël afin de faire une collecte générale sur plus de 180 adhérents, commerçants, pour collecter chez nos clients, avec nos clients, avec nos partenaires clients, les jouets pour les enfants défavorisés, avec la directrice de la Croix-Rouge de Toul. Expliquez rapidement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, les vitrines touloises, ça correspond à quoi ? Alors les vitrines touloises, c'est une association de commerçants adhérents qui regroupe 130 commerces de la ville de Toul, intra et extramuros, et nous nous fédérons systématiquement pour faire, par exemple, en 2018, une quinzaine d'animations générales sur l'ensemble de la ville. Et pour l'association du pôle Jeanne d'Arc, Aurélie Wagner, vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de cette association ? Bien sûr, alors l'association du pôle commercial Jeanne d'Arc est née il y a 12 ans maintenant, déjà. Son but premier était de répartir les missions entre la CCT, la communauté de communes, la mairie, et l'association des commerçants pour bien gérer la qualité de la zone, pour lui donner une convivialité au niveau local, un pôle commercial attractif. Et aujourd'hui, cette association tend plutôt à dynamiser le commerce par également des animations commerciales. Alors comment est venu justement votre travail commun, les vitrines touloises et l'association du pôle Jeanne d'Arc ? À l'origine, les vitrines touloises ont souhaité inviter, au premier sens du terme, l'association du pôle Jeanne d'Arc afin de se rencontrer et de se connaître. Et nous avons développé des notions de partenariat, de relations entre personnes, entre présidents, vice-présidentes ou entre conseils d'administration. Et nous avons travaillé sur une idée commune qui était fédératrice et qui allait au-delà d'une démarche purement mercantile, commerciale, en se disant qu'est-ce que l'on ferait à Noël, qu'est-ce qui serait bien de mettre en place et sur quels critères de sélectivité pourrons-nous évoluer ensemble pour qu'on puisse se fédérer, créer une synergie globale pour offrir à des enfants en fait, qui sont défavorisés malheureusement un Noël particulier cette année à Toul. Et le choix de la Croix-Rouge s'est fait comment ? Le choix de la Croix-Rouge s'est fait par le simple fait que Xavier Merotel est le manager économique de la ville, qu'il a été délégué par la CCI et par la ville de Toul, dont le maire Aldarman est en fait le premier magistrat. Mmh. Et nous avons vraiment souhaité mettre en place la Croix-Rouge parce que ce sont des gens qui ont déjà activement participé sur le Toulois, y compris à Dommartin, à des actions caritatives pures. Et on voulait montrer que les commerçants étaient aussi capables de porter un beau projet comme celui-là. Alors de quelle manière va se dérouler cette grande collecte de jouets, neufs et occasions, au profit de la Croix-Rouge, qui va donc se dérouler du 12 novembre jusqu'au 14 décembre ? Alors lors d'une réunion, on a mis tout ça en place. Nous avons imprimé des affiches placardées sur chaque vitrine pour annoncer la manifestation. Chaque commerçant s'occupe de recueillir ses jouets, d'accueillir nos clients, de recueillir les jouets pour ensuite les redistribuer à la Croix-Rouge lorsque l'opération sera terminée. Donc il suffit pour les gens de déposer les jouets chez les commerçants participant à l'opération. Exactement, des jouets neufs quand même, oui. Ou en bon état. D'accord. Et on se charge de la collecte et de la redistribution auprès de la Croix-Rouge. Vous avez dit combien de commerçants qui participent à... Alors 130 sur la ville de Toul. Et à ce titre, pour compléter en fait ce que Aurélie vient d'annoncer, ces jouets seront remis officiellement le vendredi 21 décembre, officiellement à la Croix-Rouge. Mm-hmm. Elle se chargera bien évidemment, dans un but d'intimité, de pouvoir faire le Noël de la Croix-Rouge dans ses locaux pour que ses enfants puissent bénéficier avant Noël de ces cadeaux et qu'ils puissent prendre les familles nécessiteuses sans bien évidemment les exposer puisqu'il y a un respect qui se doit à chacun. Oui. Donc eux ont cette conception de pouvoir le faire. Nous, nous sommes qu'un relais dans un mode de fonctionnement avant Noël. Le but étant de privilégier bien évidemment les enfants. Quoi. Et alors, pour revenir sur les commerçants participants, ça représente quoi de participer à une telle opération pour vous, pour les associations, pour l'association du pôle Jeanne d'Arc, pour les vitrines touloises ? C'est important de travailler ensemble vers un but commun comme celui-ci ? C'est très important, je dirais. Effectivement, merci à Michel de nous avoir invités lors d'une assemblée générale à Toul. Dès lors, la présentation de ce projet, J'ai tout de suite adhéré, le président de l'association des commerçants du pôle Jeanne d'Arc également. C'est une animation qui est caritative et du coup elle change complètement par rapport à tout ce qui a déjà existé sur le territoire en termes d'animation commerciale, parce que c'est une opération humaine et au-delà du business. Donc je pense que tout le monde sera touché. Vous laissez le mot de la fin peut-être cette opération ? Le mot de la fin il est simple, ça sera un très joli et un très joyeux Noël aux enfants défavorisés. Et nous estimons que cette manifestation se reproduise l'année prochaine avec beaucoup de cœur. Peut-être choisirons-nous une autre association que la Croix-Rouge, c'est peut-être possible, afin d'étendre bien évidemment le relais de communication. Mais le but que Aurélie partage bien évidemment avec moi, c'est de souhaiter un joyeux Noël aux enfants qui n'en ont pas. Merci à Aurélie Wagner, vice-présidente de l'association du pôle Jeanne d'Arc de Dommartin-lès-Toul, et à Michel Pfaff, président des Vitrines Touloises. Je vous rappelle que cette grande collecte de jouets neufs et d'occasion au profit de la Croix-Rouge se déroule du 12 novembre au 14 décembre chez les commerçants partenaires. L'actualité à Nancy et ailleurs.